une histoire particulière. La Coupe du Monde féminine de football va commencer. Du 7 juin au 7 juillet, les antennes de Radio France, partenaire officiel, suivront de près les performances de l'équipe de France féminine. Une équipe de France dont Clémence Alézard et Anna Schmuck vous ont raconté les débuts, hier dans le premier épisode. Nous apprenions que le premier match de football féminin a eu lieu en 1917. Il y avait 10 000 personnes dans les tribunes et 22 joueuses sur le terrain. Toutes appartenant à une même association sportive, Femina Sport, fondée 5 ans plus tôt par 4 joueuses. Avant le coup d'envoi et une victoire que nous souhaitons à notre équipe de France, voici l'histoire d'un club actuel, le Paris FC, anciennement l'Étoile sportive de Juvisy, dont 2 joueuses sont d'ailleurs sélectionnées en équipe de France nationale et défendront donc les couleurs tricolores à partir du 7 juin prochain. Donc ça, c'est le premier logo de Juvisy, des féminines, donc 71-85. Alors notre club s'appelait l'Étoile sportive de Juvisy. En fait, on a créé une équipe féminine au sein d'un club existant qui s'appelait l'Étoile sportive de Juvisy et qui était un grand club de l'Essonne, en fait, et un très vieux club, mais évidemment masculin. Donc notre logo, c'est le logo du club, c'est-à-dire une étoile avec un footballeur au milieu, évidemment. Une fille qui joue au foot, c'était peut-être impensable pour tout le monde, quoi. Mais pensable pour nous, parce qu'on souhaitait vraiment se faire plaisir. Et c'est vrai que le foot, ça a été une passion de toujours, et j'y suis toujours, parce que ça fait 35 ans que je suis là. Les pionnières du ballon rond, par Clémence Alézard et Anna Schmuck. Deuxième génération, les Juvisiennes, légendes d'hier et d'aujourd'hui. Moi, je suis arrivée, je connaissais rien du football féminin. J'ai découvert en arrivant à Juvisy, en fait, et c'est eux qui m'ont fait découvrir l'histoire de ce club qui m'a touchée, et ce club familial, justement, qui a fait que on a toujours été solidaires, on a toujours été unis, et c'est ça qui a fait la force de ce club. Et grâce à eux, aujourd'hui, on peut jouer sur des terrains comme ça, on peut se battre, et ils se sont battus pour nous, donc c'est formidable. Je ne connais pas très bien, mais je pense que ça pourrait avoir de très belles équipes. Ils sont capables de faire un très beau championnat si ça existe un jour. Je vois pas pourquoi que les femmes ne feraient pas du football. A priori, vous n'êtes pas contre. Moi, je serais plutôt pour. Alors, regardez ces jeunes filles. Sont-elles masculines, homas, sont-elles même laides? Franchement, non. Je vous vois sourire en regardant ce reportage, Thierry Roland. Je voudrais pourtant vous convaincre. Il n'est pas plus viril que le basket féminin, le handball féminin et bien d'autres sports collectifs. Alors bien sûr, elles ont des crampons, des bas, des protège-tibias, des shorts et des maillots, comme des footballeurs. Mais la différence est que ce sont des footballeuses qui jouent un foot différent, plus fin, avec un ballon plus léger. 19 000 licenciés en France, répartis dans 730 clubs. Le champion de France est Reims, suivi d'Étrun, club nordiste, et qui a perdu son titre cette année. Les tricolores se situent à la 8e place. Je vais chercher la coupelle la plus loin. Ok, donc c'est soit une verte, soit une rose. Ça marche? Ah non, je crois que tu allais faire l'enlèvement. Allez, c'est parti. Une touche, et on va chercher la plus loin. Allez, c'est pas grave, Maria, joue. On est le ballon, et on enchaîne. J'ai 1980, sur Antenne 2, la journaliste Christine Paris doit supporter les ricanements et les tacles misogynes de ses collègues, Thierry Roland en tête, alors qu'elle défend, sans doute un peu maladroitement, la pratique du football par les femmes. 19 000 licenciés en 1980, nous dit-elle. Et aujourd'hui, en 2019, elles sont plus de 200 000. C'est dire si en 40 ans, les footballeuses ont gagné du terrain. Après des décennies de négligence institutionnelle, de galères pour avoir des entraîneurs, des créneaux d'entraînement, des chasubles et même des ballons, la ténacité des pionnières a finalement payé. Les joueuses ont conquis ce bastion traditionnellement masculin. Les Juvisiennes, quant à elles, ont même eu leur décennie. Dans les années 90, notamment, elles remportent 6 titres de championne de France. Allez, faut bien le faire derrière, sinon il va manquer du monde. Ouais. Ouais, ah, Je m'appelle Elisa de Almeida, j'ai 21 ans. Je suis arrivée à Juvisy, qui est maintenant Paris FC, à l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé mes débuts en, entre guillemets, professionnel à 18 ans. Quand vous êtes arrivée à Juvisy, c'était donc un club strictement féminin. Maintenant, avec le Paris FC, il y a les garçons. Qu'est-ce que ça change ? Pour nous, ça change pas grand-chose. On reste quand même une structure féminine, maintenant aussi masculine. Après, c'est vrai que financièrement parlant, on a beaucoup de choses en plus parce qu'ils investissent beaucoup plus avec les garçons qui sont en Ligue 2 et pourquoi pas l'année prochaine en Ligue 1. Mais sinon, nous, notre état d'esprit reste le même, si ce n'est que maintenant, on est un double club entre guillemets qui est masculin et féminin. Mais pour la section féminine, en tout cas, ça change pas grand-chose dans notre état d'esprit. Les joueurs, ils ont rien dit, vous avez été bien accueillis? On a été super bien accueillis, même les joueurs de la Ligue 2. Je sais que moi, personnellement, je parle avec certains joueurs avec qui je m'entends super bien. Après, c'était aussi le souhait de leur président, M. Ferracci, de fusionner avec nous. Donc je pense que leur intérêt, il est chez nous, mais il est aussi chez eux. Donc c'est un double intérêt et je pense que ça se ressent dans tout ce qu'ils mettent en place pour la section féminine et aussi la section masculine. Mon choix pour Juvisy, c'est vrai qu'il a été fait sportivement parlant, parce que Juvisy était quand même en Ligue des Champions, championne de France, donc forcément ça parlait. Aussi, j'ai eu le choix et l'opportunité que ça soit à proximité de chez moi. C'était clair et net que c'était Juvisy et rien d'autre. Et vous connaissez un peu les pionnières des années 70, toute cette histoire de celles qui se sont un peu battues aussi pour la reconnaissance du foot féminin 40 ans avant vous? Vous m'auriez demandé ça à 15 ans, je vous aurais dit non. Mais maintenant, avec du recul et l'expérience de rencontrer des gens, ou même quand on va jouer contre d'autres équipes, ou des cérémonies où on voit certaines encore pionnières, ou même là, il n'y a pas longtemps, il y avait les 50 ans du club. Donc il y a des anciennes qui sont venues, c'est vrai qu'on les côtoie, on leur parle dans le salon VIP à la fin du match. Donc maintenant, à 21 ans, je peux vous dire oui, mais à 15 ans, je vous aurais dit non. Et du coup, ça a du sens pour vous aussi d'être à Juvisy? Pour ça, pour cette histoire-là, qu'a ce club? Ça a un sens pour moi. Après, c'était plus mis en valeur quand c'était Juvisy, parce qu'elle venait vraiment de Juvisy. C'est vrai que je pense que même pour elle, maintenant, le fait que ce soit Paris FC, c'est pas trop la même chose. Mais pour le football féminin en général, je pense qu'elles resteront à jamais les pionnières du foot et on peut que les remercier quand on voit l'avancée du football féminin aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'aujourd'hui, en tout cas, la marque Juvisy soit un petit peu effacée par cette fusion avec le Paris FC? Annie Fortens, pionnière des années 70. Alors, comment dirais-je? En 2017, quand Juvisy a disparu, donc. Alors, j'ai été prévenue, hein. Enfin, on a été prévenus, les pionnières, par Marie-Christine Terroni. Et du coup, c'était un peu dur quand même. Bon, à 60 ans, on sait quel est l'impact du temps parce qu'on en a juste fait l'expérience. Donc je sais que dans une ou deux générations, les filles du Paris FC ne sauront même plus qu'il y avait Juvisy au départ. Enfin, le nom de Juvisy va disparaître en fait. C'est comme ça. Au même titre que le féminin sport aujourd'hui, si on leur demande... Est-ce que vous savez que dans les années 20, il y avait des footballeuses et qu'elles ce sont des pionnières et tout, ils savent plus. Oui, ils savent à peine. Après, c'est le cours des choses aussi. Mais bon, ils ont fait un choix. Paris FC, ça les a arrangés aussi parce que eux-mêmes avaient une section féminine, hein, avec 300-400 joueuses, hein. C'était un gros club féminin, hein. Mais pas en D1, puis loin d'y être. Donc eux, le deal, c'est que ils passaient en D1. Et Juvisy, le deal, c'est que, du coup, ils accédaient à des sponsors potentiels, et puis à des moyens. Mais c'est dur pour nous, Juvisiennes, de voir disparaître le nom, disparaître le maillot, disparaître la couleur, disparaître le logo, enfin tout, ce que vous avez là, ça a disparu, quoi. Toutes mes archives, là, voilà. Ça fait partie de l'histoire, en fait. Et je sais quel va être l'impact du temps. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez quelques photos de l'époque? Alors, les photos de l'époque... Ah ça, c'est la première photo. Mais il se trouve que je suis pas dessus. Alors ça, c'est un grand regret, hein, mais je suis pas dessus parce que je me suis cassé la clavicule deux jours avant la photo, là. Elles sont toutes jeunes, là, les filles. Ben oui, elles sont très jeunes. Ça, c'est ma meilleure amie. Toujours aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, Florence Maréchal, qui a créé les clubs avec Martine Michalodi. C'est elles deux, en fait, qui ont assumé leur désir de jouer en compétition au foot et qui sont allées voir le président du club. Et pauvre président, hein, qui s'est retrouvé bien embêté, il a dû se demander « mais pourquoi ça tombe sur moi ?» Et il a dit « ok, quand vous aurez 12 ou 13 filles, revenez ». Il a botté en touche, en fait. Il a dit bon, « je vais leur dire n'importe quoi et puis je ne les reverrai pas, ces filles-là ». Le problème, c'est que voilà, ces deux filles-là, Florence Maréchal, Martine Michalodis, elles ont trouvé des filles, alors des handballeuses, des filles qui n'avaient jamais joué, jamais fait de sport, jamais joué au foot. Donc ça, c'est vraiment la première saison, en fait. Vous aviez quel âge, là, on est en 1971, vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. Je joue au foot depuis l'âge de 6 ans, mais je joue au foot avec mes frères, les camarades de mes frères, mon père qui était un grand footballeur. J'étais dans une famille de footballeurs, de sportifs d'abord et de footballeurs en particulier. Donc du coup, voilà, j'ai appris à marcher et à jouer au foot en même temps, quoi. Mais sans aucune revendication, évidemment, à l'âge de 6 ans, c'était juste normal, quoi. Et en 71, déjà en 70, hein, grande date, hein, mars 70, où la FFF autorise le football féminin. Ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, hein, mais je suis toujours étonnée quand je m'entends dire ça, qu'on autorise le football féminin en 70. Et il faut remettre dans le contexte, hein, déjà il y avait le grand souffle de 68, les féministes ont ouvert des portes, et puis surtout nos désirs secrets ont pu émerger. Enfin, on a pu réussir à dire, bah, nous, on aimerait bien aussi jouer en championnat. C'est pas jouer au foot, parce que nous, on jouait déjà au foot, la plupart, hein, mais en championnat, en compétition. France Inter, 1962. Le match Red Star Béziers à Saint-Ouen présentait une particularité qu'il est bon de souligner. En effet, pour la première fois dans l'histoire du football français, un club accordait l'entrée gratuite aux femmes qui accompagnaient leur mari. Madame, accompagnez-vous toujours votre mari au match? Toujours, oui. Que pensez-vous de cette initiative du Red Star de ne pas faire payer l'entrée aux femmes? Oh, c'est très bien, surtout pour celles qui vont toujours avec leur mari. Ça fait toujours ça comme économie. Est-ce la première fois que vous venez au match à Saint-Ouen? Oui, c'est la première fois que je viens au match. J'ai vu beaucoup de matchs de rugby, mais jamais de matchs de football. Que pensez-vous du football? Je trouve bien, c'est bien. Allez-vous renouveler l'expérience? Oui, je vais accompagner mon mari. Monsieur, êtes-vous pour ou contre les femmes au match? Contre les femmes au match. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, André Bibal? Eh bien, je trouve que c'est une solution très agréable pour les femmes qui peuvent, comme ça, surveiller leur mari de plus près et, comme ça, applaudir aussi les footballeurs. On n'y aurait pas pensé. Alors comment j'arrive à Juvisy, on est venu me chercher, hein. Franchement on est venu me chercher et j'ai eu du mal à y aller, hein. Parce que moi je jouais tranquillement dans mon coin tous les jours, sauf le dimanche, puisque je n'avais pas le droit aux compétitions et tous les garçons étaient en compétition. Donc moi j'étais tranquille dans mon coin à jouer avec mes frères, dans un cocon je dirais, hein, des garçons de très bon niveau. Donc du coup, ils m'ont tout appris, donc c'était facile, quoi. Depuis l'âge de 6 ans, ou 5 ans, 6 ans, j'ai tout appris, quoi. Tous les gestes techniques. Donc du coup, moi, j'étais très bien où j'étais, quoi. Et un jour est arrivé le copain de mon frère aîné, qui me dit, il y a une équipe féminine qui se crée. Alors moi, est-ce que tu veux pas venir? Bon, je comprenais pas trop ce qu'on me demandait, en fait. Équipe féminine, voilà. Comme ça n'existait pas, en fait, on n'avait pas plein de repères. J'ai dit, bon... Donc j'ai dit non dans un premier temps. Donc ils sont revenus à la charge. Mon frère m'a dit, bah quand même, apparemment, ça serait bien que tu joues en club comme nous. J'ai dit, bon, bah d'accord. Et c'est mon frère qui m'a emmené en fait. Au stade Perrin, Juvisy, je me rappelle de mon arrivée en mobylette. Oh, je me suis dit, mais là. Et puis après, quand j'ai vu les filles jouer, j'ai voulu repartir, quoi. Lâchez. On va redémarrer, on en fera d'autres. Et il se trouve que le père de Martine Michalaudis, venant chercher sa fille, et le président qui dit au père, bah dis donc, c'est toi qui vas être l'entraîneur. Alors il a dit non, comme moi d'ailleurs. Ça va pas. Non. Entraîner des filles, c'est un grand joueur de Juvisy en fait, lui. Roger Michalaudis. Et lui a dit, mais je revois la scène. Il dit, mais non, mais en plus, il était bougon, très orgueilleux, un caractère autoritaire aussi, mais très compétent en fait, on s'en est rendu compte, et très bienveillant. Et il a dit, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est parti en grommelant avec sa fille. Puis on l'a vu revenir la semaine d'après, quoi. Il a dit, bon, ok, j'accepte. Et là, il a posé une condition, et pour moi, qui est la pierre d'achoppement du club, encore aujourd'hui, à mon avis, qui a construit, de mon point de vue, le roman familial du club, la culture du club. Il a dit, ok, j'accepte, si on vise l'excellence. Et lui, il savait très bien ce qui nous attendait, en fait. Il savait très bien qu'on allait en prendre plein la figure, quoi. Déjà, lui, il ne voulait pas être humilié, parce qu'un homme qui prend une équipe féminine à l'époque, c'est juste de la relégation. Enfin, c'est juste. Enfin, la majorité ne voulait pas y aller, quoi. Donc, il a dit, ça, on visera l'excellence. Par tous les moyens, on visera l'excellence. Et on a visé l'excellence. Et d'ailleurs, Juvisy est toujours un des plus grands clubs français. Et quand on a monté le club en 77 avec Roger Michalaudis en championnat de France, donc ça faisait 5 saisons. On a monté le club en championnat de France. Juvisy fait partie des 3 clubs français qui ne sont jamais redescendus du niveau championnat de France depuis que nous, on a monté club. Donc, il n'y en a que 3 en France. L'OL, PSG, Juvisy. Et concentrez-vous bien, c'est peut-être le match le plus important depuis le début de la compétition. Hein. D'accord ? On y va. Prenez les ballons, tu gardes le meilleur pour le verrou, tu donnes le meilleur à l'arbitre. Et tu montes pour les volants, verrou. Donc on a bien vu déjà qu'il fallait un peu galérer pour créer l'équipe, galérer pour trouver un entraîneur. Donc oui, il y a eu des difficultés pour trouver les créneaux d'entraînement. Il y a eu des difficultés pour avoir des chasubles, pour avoir des ballons, pour avoir de l'argent, des subventions. On n'avait pas de sponsors, sinon des sponsors locaux. Là, on avait un marchand de vêtements de sport, un imprimeur. Ils nous ont super bien aidés. Ils nous ont acheté nos survêtements. Il faut voir nos premiers matchs à l'international, quoi, nous, hein. On y allait en voiture particulière et quand on partait sur des tournois de 2 jours, on amenait la remorque avec toute la nourriture dedans. Hein. Les parents d'une de mes joueuses qui s'appelle Marie, ses parents, Maryse Moreno, ses parents, on disait, les parents de Maryse ont encore amené le rôti de porc, super, on va manger le rôti de porc pendant 2 jours. Mais aujourd'hui encore, on en parle. C'est pour ça que je dis rôti de porc de monsieur et madame Moreno. Bonjour Dans la remorque, hein. Quand on arrive à Bruxelles, au grand tournoi international de Bruxelles, où il n'y avait que des championnes de pays, dans le cadre du millénaire de la ville, en 77, à la demande de la FFF, on va jouer là-bas, en remplacement de Reims, qui n'était pas disponible, qui imaginait remplacer Reims en plus. Et nous, on n'avait pas de titre, hein, on n'était même pas champion, on était championne de Paris. Mais on était une très très bonne équipe, hein, on était reconnus comme étant une très bonne équipe en France. Donc on remplace Reims au pied levé à Bruxelles et on n'avait pas de survêtements. C'est les commerçants de Juvisy qui nous ont payé notre équipement, quoi. Quelques commerçants. On a l'impression que c'est le village gaulois qui arrivait, alors que c'est des cars climatisés qui arrivaient avec des filles, avec le sac, avec tout l'équipement intégral. Les championnes d'Allemagne, les championnes d'Angleterre, les championnes de Belgique. Et nous, on arrivait de Juvisy, quoi. Et on est reparti avec la coupe. Alors ça, c'est un grand moment. La Marseillaise qui jouait au stade du Hesel pour les petites juvisiennes. Et à la consternation de toutes les championnes des pays qui étaient là. Bon, enfin, elles étaient très admiratives, les filles, quand même. Allez, attaquez-le, attaquez-le. Oui. Michalaudis, le père de Martine, il a visé un l'excellence et deux, il a compris. C'est un footballeur, un grand footballeur de Juvisy, il a fait toute sa carrière à Juvisy. Il avait une quarantaine d'années quand il a créé la section féminine. Et il savait qu'il fallait pas aller recruter les meilleures joueuses des clubs se formant dans l'Essonne, par exemple, parce qu'on allait tuer le football féminin dans l'œuf, quoi. Si on prend les meilleures joueuses ailleurs, bah, les clubs ils disparaissent et puis on n'a plus d'adversaires. Donc nous, on a créé le club en 71. Première saison 71-72, en 73, on avait une école de football. Quand on a lâché la balle, on n'est plus sur le même côté. Quand on a lâché la balle, on n'est plus sur le même côté. Et je tourne en rond. Alors Sandrine Soubéran, vous êtes la coach de l'équipe féminine du Paris FC. Votre trajectoire, elle est intimement liée à l'histoire de Juvisy, du Paris FC maintenant. Comment est-ce que ça commence et quand ? Oui, mon histoire, elle est intimement liée à Juvisy plus qu'à Paris FC. J'ai commencé à jouer à Juvisy en 2000, jusqu'en 2014. Et ensuite, pendant 4 ans, j'ai œuvré à la fédération. C'était un juste retour des choses aussi par rapport au club qui m'a beaucoup amené pendant ma carrière sportive. J'avais envie de retransmettre ou de redonner ce que j'avais appris ou acquis avec Juvisy à l'époque. Et j'avais tout simplement aussi envie d'entraîner au quotidien. Annick Butel, vous êtes arrivée en 2007 à Juvisy. C'était comment en 2007 l'ambiance ? Moi, j'ai commencé en D3, j'étais pas tout de suite avec la D1. Et c'était convivial, familial, j'étais tout de suite acceptée. Il y avait ma grande sœur, mais elle était pas souvent avec moi parce qu'elle était dans le groupe de D1. Mais j'ai tout de suite été acceptée, pris par les anciennes. Ils m'ont pris sous leur aile et voilà, après j'ai fait mon petit bout de chemin. Et c'est vraiment un club convivial, familial et c'est ça surtout qu'il faut retenir de ce club. Gaëtan Tinet et Charlotte Bilbao sont donc sélectionnés en équipe de France. Est-ce que vous êtes fiers de vos joueuses ? Oui, évidemment. Après, c'est surtout le club qui est fier. Moi, en tant qu'entraîneur, on est toujours ravis d'avoir des internationales. Après, il y en a d'autres dans d'autres nationalités, parce qu'il y a une Canadienne et une Camerounaise qui vont à la Coupe du Monde aussi dans mon effectif. Maintenant, évidemment que je suis fier, parce que c'est surtout, je pense que c'est le club, c'est tout ce qu'il met en place pour que la section féminine et l'équipe de D1 puissent progresser. Du coup, c'est un juste retour des choses qui est des joueuses internationales. Après, il y a d'autres clubs qui n'ont pas d'international et qui font aussi progresser leur équipe de D1. Là, on a la chance d'avoir des joueuses et j'espère qu'elles porteront haut les couleurs, un, de la France, deux, des autres nations, évidemment, mais et qu'elles portent aussi un peu les couleurs du club, évidemment. Bon, on fait des frappes de balle, conduite d'abord jusqu'ici, face au ballon, on évite sur la droite et sur la gauche et on enchaîne immédiatement par un tir. Ok ? Allez, là, ton arme, hein ? Je m'appelle Marie-Christine Terroni, je suis présidente du Paris Football Club féminin. J'ai connu le démarrage du foot féminin, en tout cas en France et dans les clubs comme celui de Juvisy. C'est vrai que c'était, je pense que Annie Fortems peut en parler mieux que moi, mais c'était les sœurs de joueurs qui avaient envie de jouer au foot tout simplement, et elles disaient, bah, nous on va jouer. Ils ont dit, bah oui, enfin bon, jouer, il y a jouer et jouer, quoi. Et du coup, bah non, elles ont vraiment joué, elles ont vraiment monté le club, elles ont vraiment été au débarrage avec Mickaël Olis et Guy Sittler. Donc, elles étaient une vingtaine de filles. On a toujours gardé le lien, et en tout cas même avec le Paris FC maintenant, pour justement garder cette histoire. J'explique toujours aux filles d'aujourd'hui que toute cette bagarre qu'on a fait en 50 ans d'histoire, c'est aussi une belle récompense pour elles, pour les anciennes, pour les pionnières, de voir qu'aujourd'hui, le football féminin est médiatisé, qu'aujourd'hui, on a des installations qui sont magnifiques. J'ai encore l'image de la semaine dernière de Gaëtan Tinet qui rentre dans le vestiaire et qui se met à pleurer parce qu'elle voit un lieu flambant neuf, en se disant « Est-ce qu'un jour j'aurais pu avoir ça ?» Ben oui, elle l'a eu grâce, et elle le sait, grâce aux valeurs des filles qui se sont battues avant. Les femmes aussi, Archivina, 1981. Il serait tout à fait hors de question que j'arrête le football pour quelqu'un, que ce soit un petit ami ou mes parents ou mes frères. D'ailleurs, dans le boulot que je fais, j'ai eu des problèmes avec mes frères, ils voulaient que j'arrête le football, ça me prenait trop de temps, j'ai tenu et puis c'est te concéder, c'est pas moi. Puis je continue à faire du football, puis je continuerai jusqu'à temps que mon entraîneur estime que j'ai plus ma place. On a beaucoup qui viennent en disant on va venir vous voir pour rigoler. Des jeunes de notre âge, hein. des clients moi, des copains, tout ça. Puis quand ils viennent, ils rigolent pas du tout. Ils sont contents, ils trouvent que c'est bien, ils reviennent. J'ai compris ce que c'était que le sexisme intériorisé en fait. Le « je n'ai pas le droit », « je suis une fille, je n'ai pas le droit », l'autocensure, de tous ses désirs, de toutes ses capacités, de toutes ses possibilités. Oui, oui, je l'ai vu, j'ai vu des filles partir hein, de Juvisy. Hein. J'ai découvert le sexisme massif et violent à 15 ans en fait. Parce qu'on s'est exposé en fait. On est sur un stade ouvert aux quatre vents. Donc les gens, ils voyaient des filles sur un terrain, ils n'étaient pas au courant, ils voient une fille, ils passent, ils rentraient direct. Hein. Et puis ils regardaient, et puis on a entendu de toutes les couleurs, je dirais. Enfin, on a entendu plein de critiques sur l'aspect physique, évidemment, les gros lourds, quoi. J'ai arrêté le foot 20 ans après, il y avait toujours. Hein. Et même dans les années, je pense que même dans les années 2000, il y a eu un espèce de courant par la FFF de féminisation des joueuses qui était, pour moi, qui s'est apparenté à de la lesbophobie. C'était pas que du sexisme, on a dérapé sur la lutte contre l'homosexualité aussi. Transformons les femmes en... Il n'y avait pas un reportage sur les footballeuses sans qu'elles se maquillent, sans qu'elles soient en robe, sans qu'elles parlent de leur mari. Enfin, c'était regarder comme on est bien hétéro, comme on est bien féminine, comme on est bien genrée. Alors, jouer au foot, qui est, pour le coup, on fait un peu exploser les rôles genrés, mais tout en étant bien genrés. Enfin, il y a une espèce de discours contradictoire qui, pour moi, s'apparentait à de la lesbophobie. Et moi, j'ai été très choquée quoi, par la campagne de féminisation des joueuses des années 2000. C'est possible. Je ne sais pas que la caméra... Le football féminin gagne, se répand, s'enracine. On n'ira pas l'arracher comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des relais, le public est d'accord, la société est d'accord. Alors maintenant, on découvre avec une joie réelle, évidemment, un enthousiasme, que les médias sont d'accord, les politiques sont d'accord, les institutionnels sont d'accord. Il y a pour moi un alignement de planète que je n'ai même pas pu rêver pendant 50 ans. Hein. C'était les pionnières du ballon rond, deuxième génération, les Juvisiennes, légendes d'hier et d'aujourd'hui. Avec Annie Fortens, Marie-Christine Théroni, Anaïk Butel, Elisa De Almeida et Sandrine Soubéran. Archivina, Clary Monac et Manuela Dubessy. Documentation musicale, Romain Couturier. Coordination, Christine Bernard avec la collaboration de Thibaut Terragnon. Prise de son, Olivia Granger. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Clément Salzar réalisé par Anna Smuk. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous partirons à la recherche d'un mythe aux ailes d'or, mais c'est une autre histoire.